Dans un monde étrange, votre DJ arriva. Hey, Lucky Luke, ça c'est la femme de quelqu'un. Si tu cherches à faire où il y en a, il faut tirer seulement. Ça te parle vers la fin. Mon frère, attrape ton cœur, très fort même. Tu vas trouver pour toi. Faut pas prendre des gens pour jouer. Mais ça, là, ça envoie à faire vers la fin, quoi. Voilà, voilà. IGTS, le transitaire number one sur l'Afrique. Chercher pour toi, faut laisser pour l'autre. Et puis, ça va aller. Chercher pour toi, faut laisser pour l'autre. Et puis, ça va aller. Chercher pour toi, faut laisser pour l'autre. Et puis, ça va aller. Faut chercher pour toi, pour laisser les autres. Et puis, on va éviter à faire. Yaya, Dieu, merci. Toujours imité, jamais égalé. Hey, Lucky, quand on te parle, tu n'es pas écouté. Hein. Fais beaucoup de fois pour entendre ce qu'on te dit. Hein. Parce que quand la paix va arriver, tu seras le premier à être étonné. Hein? Ben, les problèmes là, ça vient un à un. Et puis, ça, c'est sûr. Inno, Digital Planet, le studio. Tout le monde est pas décalément, tout le monde est pas décollément, tout le monde est pas décollé, décalé, décollé, décalé, décalément. Coupé, coupé, coupé bas, coupé, coupé, coupé haut, coupé, coupé, coupé bas. Travailler sans voler, oya Konami, oya Fuka Fuka. Y'a danger devant Bolio, fais attention, sois prudent, oui, prudencia, prudencia, prudencia, prudencia, prudencia. Danger devant, danger derrière, fais attention mon ami, prudencia, prudencia, prudencia, prudencia. Chop chop, 99% d'intention de vos. Zoua, c'est kaboké, t'as la bonga banoula yo. Zoua, hein, c'est kaboké, t'as la bonga banoula yo. Caméra kabata si ma pesa. Faro, oui, à mastiboulé, tout le monde est pas mastiboulance. Oui, à mastiboulé, tout le monde est pas mastiboulance. Le petit oiseau qui nage au nagera, le petit oiseau qui vole au volera, le petit poisson qui nage au nagera, le petit poisson qui vole au volera. Zim, Digbe, la voix de lion. Soleka. Oyenga kitoko DJ baloba ki batse mangonga na champion mukuluku eza banje mango kitoko premier. Oyen DJ Polio très très fort. Tout le monde va décaler, décoller, décaler, décoller, décaler, décoller, raccommoder sa gacité, couper, couper, couper. Oh, tout le monde va couper, bah, tout le monde va couper. Allez décalement, sa gacité, décaler, décoller, décaler, décoller, décalement. Aïe aïe, aïe aïe aïe maman. Oya petit oiseau, s'envoler ma maman. Tu es où? Oya petit oiseau, tout le monde est s'envolément. Hein? Oya petit oiseau, tout le monde est à s'envolément, s'envolément. Équilibré, équilibré, amolare, molare, molare. Solenga di barak, takuta kurak, takuta kurak, takuta ku krokoto kuka kurak, takuta kura, takuta kura, takuta ku krekete kukatura, tirik tikitatum, krekete tukutatum, solenga, tirik tikitatum, krekete tukutatum, Oye, tout le monde va lever les mains, oye, lever les mains, bango, ngaye kitoko DJ bango, bana décalé, décoller, raccommoder, sagacité, coupé, coupé, coupé, ba, oye, DJ polio, s'envolement, s'envolement. Oye DJ Polio, t'es où maman? Solenga. Nana FM, number one au Togo. Ouais, affaire est très très grave. Les propulseurs de l'mouvement sont là dans ma place. Ah, tu peux mon ami? Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Le fer que qu'on fait à Paris. On y va. Ah, rakata kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta. Mouvement est d'abord danger, délicat spécial à tout saga le président. Tu peux mon ami, on y va. S'envolement, s'envolement, s'envolement, s'envolement. krikata, krikata, krikata. Allez, pam, pam. Tous les gars, saut mouton, saut dindon, saut mouton, saut dindon. Allez, sauter, sauter, sauter, sauter, ma. Le Masai Mara, votre restaurant. Soleil. Bana salue la jet set parisienne. Oya Bedel, Patassé, Chakoule, papa. Hein, le président Dougue Saga. Oya Kitoko premier, Chakoule. Tu vois, hein.